Chrono. On vient d'être ça, dès qu'on monte sur les strats. Fini les mèches pas. À chaque spectacle on crée l'exploit, faut que tu respectes ça. J'ai reçu un don du ciel que j'exploite comme un esclave. Le cultive pour en tirer le meilleur nectar. Flow et SLK, stylé comme un Mercedes cab. On excelle car on reste calme, même quand les frères clament. Ils sont attestables, mais seuls les vrais le savent. Les autres font semblant mais mon glaive frappe et tranche les têtes. Sache qu'on ne me teste pas. J'parle des sauces, des mecs en baffe, des drive-by dans les tests des autres, des nôtres, des gars pour qui je gratte mes textes. J'aurai toujours une pensée pour eux, c'est ça les mecs. Écoute la foule applaudir parce que mon rap est vrai. Je vais pas changer pour paraître branché parce qu'il fallait plaire. Si c'est la merde, je te parle de guerre, c'est ça que j'aime faire. Dire la vérité comme elle vient, jusqu'à l'excès. Même si je dois en payer le prix, je suis pur à l'extrême. C'est de la bombe futuristique. Qu'est-ce qui flingue ici, futuristique. C'est de la bombe futuristique. Le lyriciste aux phrases est mirifique, c'est Nubisane les filles. Les pédales détalent et les faux gaz défilent. Vrai peu rapport secteur à édition Sarcelite. Chaque strophe une catastrophe, pas qu'on rabat de la prédit. C'est un raz-de-marée artistique, t'as saisi. Une tragédie, la fin des farces et les faces ici. Les gars Tessie apprécient mon hip-hop agressif. Les tasses frétillent, au premier refrain la salle crépite. La passe éclate les vitres, on laisse qu'un tas de débris. On cause des dommages, puis on taille ce crédit. On n'a pas le droit d'être aussi adroit, c'est un grave délit. Hardcore comme tous les bad boys à qui je casse des dits. T'as tort de test, les forces de tête, on n'a pas de tiepi. Les cons défrappent, le monde est froid et laisse pas de répit. Évacue la rage et tue la page à chaque récit. Crash des rimes, plus recherché que Jacques Mesrine, un test. C'est de la bombe futuristique. Qu'est-ce qui flingue ici, futuristique. C'est de la bombe futuristique. Qu'est-ce qui flingue ici, futuristique. Ok, je rime en OAI. Mon album arrive pour grimper l'échelle. C'est pas que qu'il faut salir. Dédicace aux zones à risque, de Corbeil à Montfermeil. La famille Yao et Sydney pour les sauces de ma ville. Nord, sud, est, ouest, j'ai le contrôle géographique. Les vrais lèvent les mains quand les connards sifflent. T'oses pas le dire, mais c'est vrai quand même. J'suis un vrai, j't'emmerde. J'suis pur comme les mots de la Bible. Faut voir nos classiques, pas perdre nos racines. Dix merdes de fascistes qui se demandent si les négros savent lire. On devient tous fous à l'approche de l'apocalypse. Les sectes sneak ou shootés à la cocaïne. Les faux balises, j'suis un vrai MC, nerveux comme un VR6. Méga ma peine et ma CAO David. Le gros calibre souvent vulgaire, c'est ma nature. Et comme ça pute faire la pute, j'parle comme samedi. C'est de la bombe futuristique. Qu'est-ce qui flingue ici, juristique. En pas de production, pas de compétition. C'est de la bombe futuristique. Qu'est-ce qui flingue ici, juristique. Futuristique. C'est de la bombe futuristique. Qu'est-ce qui flingue ici, juristique. En pas de production, pas de compétition. C'est de la bombe futuristique. Qu'est-ce qui flingue ici, juristique.